tu comprends? Oh, excuse-moi, mais faut que tu parles plus fort. J'ai une sorte de bourdonnement dans les oreilles. D'après le docteur, ce bourdonnement a un rapport avec les palpitations. Ah, oui, sans blague. Président, je ne comprends pas ce que vous dites.